De Georges Courteline, tiré du recueil Les femmes des autres. Margot. Le poète Georges Larrier, qui comprit que son tour était venu de passer au confessionnal, s'exécuta de bonne grâce. Il prit ce qu'on nommerait en style de vaudeville une position commode pour parler et, renversé en arrière dans le velours de la banquette, les deux mains enfouies en ses poches, voici l'histoire qu'il conta. Au cours d'une excursion que je fis en Hollande, il y a cela quelques années, je me trouvai placé un jour à une table d'hôte de Dordrecht, auprès d'un gros garçon réjoui, que flanquait une assez jolie femme, maigre et brune, et que j'avais immédiatement reconnu pour compatriote. Car c'est un fait que les Parisiens s'entredevinent avec une sûreté de flair et de coup d'œil, près de laquelle la poignée de main franc-maçonnique est une simple plaisanterie. Le temps de nous passer les burettes, la salière et le pot de moutarde, et la connaissance fut faite, comme c'était inévitable, entre gens de même sang et de même race, que le hasard fait se rencontrer nez à nez à 100 lieues de chez soi. Nous nous présentâmes l'un à l'autre, sans autre forme de procès. Monsieur Bernard Aubry, Monsieur Georges Larrier, voyage de noces, tournée de vacances, Monsieur, je vous présente ma femme, Madame, je vous présente mes devoirs. C'était autant qu'il en fallait pour sceller le pacte d'une camaraderie de passage et s'aller à tabler ensemble à une terrasse de café. J'étais tombé sur une de ces aimables mais extraordinaires pies borgnes dont l'intarissable galoubet devient rapidement à l'esprit comme un ronronnement satisfait de matou en bonne fortune, un bourdonnement de gouttes d'eau resté dans l'oreille après le bain. Nous n'en étions pas au second boc que déjà, intime confident, je me voyais initié aux secrètes divisions de l'estimable famille des Aubry, promenée comme en un labyrinthe, d'un bout à l'autre, d'une inextricable parenté. 300 oncles, neveux, beaux-frères, cousins, cousines dansaient autour de moi à la ronde, me traversaient la tête de l'une à l'autre oreille, à l'instar d'une ahurissante et interminable farandole. Histoire sans fin et défiant tout issue, d'où sortait par moments, sans que l'on sût pourquoi, et tels que les gamins de la mère gigognent de dessous les jupes maternelles, d'autres histoires plus petites, mais non moins incompréhensibles. Le tout scandé, haché, coupé d'un éternel, n'est-ce pas Margot, que l'on voyait surgir de terre à chaque entrée en scène de nouveaux personnages. Mais la petite Margot restait muette, se bordait à des hochements de têtes approbatifs, envahie d'une somnolence à laquelle elle s'arrachait subitement dès que pointait à l'horizon la tache claire d'un uniforme d'officier. Alors elle levait les paupières et, de ses yeux cerclés de bleu, bleu eux-mêmes, elle allait au-devant du soldat, s'en emparait, l'amenait à elle, puis le suivait de loin par la foule, jusqu'à ce que l'éclair du sabre se fût éteint à un tournant de rue. Elle m'intriguait. Ce profil pur et maladif de vierge éreinte et vicieuse, dont le double bourrelet des lèvres rompait la délicate finesse avec la brutalité choquante d'une invite, ce regard flottant et perdu devant lequel on sentait défiler et se battre les visions sorties tout armées d'une névrose de mauvais aloi, exerçait sur ma curiosité une véritable attirance qui, d'ailleurs, ne contribua pas dans une faible mesure à me faire accepter la subite proposition à moi faite par Bernard Aubry de continuer notre route de compagnie. Ainsi, pris comme au coin de bois, juste cependant une minute d'hésitation, retenu par un naturel sentiment de discrétion. J'objectais, ce n'est pas sérieux. On sait ce qu'est un jeune ménage. Je vous gênerai, sapristi. Mais si spontanément et si ingénument, il me répondit, pourquoi donc ? Que je ne puis m'empêcher de rire. « Mais qu'est-ce qui vous fait rigoler ?» dit alors mon nouvel ami qu'une certaine quantité de boc avait peu à peu dégagé de la retenue forcée d'une première entrevue et qui rentrait instinctivement dans ses allures, lâché de commis voyageurs, de bons garçons restés garçons quand même, malgré le maire et le curé. « Mais, dis-je, c'est tellement étrange cette idée. Nous nous connaissons depuis 2 heures, quand le diable y serait ?» Et je ne sais si je puis me permettre. » Il ne me laissa pas achever. « Mais c'est donc, mon cher, vous blaguez. Est-ce que l'on se gêne jamais entre jeunes gens ? Ce sera charmant, au contraire. N'est-ce pas, Margot ? Certainement, répondit Margot, qui ne mit dans cette affirmation ni enthousiasme, ni bien flatteur, ni, si je dois le dire, froideur plaisante. Mais moi, j'en avais dit un peu trop pour qu'il me fût possible encore de me dégager. Le bonhomme, d'ailleurs, n'avait rien qui me déplût. Un certain courant de sympathie me poussait même vers ce fou, que je sentais bien ne pas valoir grand-chose, être un peu flemme, un peu traîné, un peu ivrogne. Mais enfin, bat-il une seule pièce dans sa candeur et sa droiture de gros gamin mal élevé. Je m'avouai donc convaincu, et de cet instant, nous ne fîmes plus qu'un. Côte à côte, barrant les trottoirs, nous traversâmes Leyde et Haarlem, puis La Haye, d'où nous emportâmes l'impression d'une ville qu'on bronzerait le matin à la façon d'une paire de bottes, et dont les citoyens gagneraient les banlieues pour y cracher, vider les culots de leurs pipes et secouer la poussière de leurs descentes de lit. Amsterdam, où le touriste inquiet n'ose tourner un angle de rue dans la crainte de se faire enlever au passage par quelques ailes de moulin à vent exaspérées. Amsterdam, dont les rouges maisons ont leurs escaliers sur la tête, et que les mâts, violets, indigo, bleus, verts, jaunes, oranges, rouges, d'innombrables barques à l'ancre, pavoisent d'un formidable et mobile arc-en-ciel. Ici, comme là et comme partout, Margot demeura la même, promenant d'une cité à l'autre ce masque d'incurable ennui dont la désespérante impassibilité avait fini par me devenir un intolérable supplice. De temps en temps, un pâle sourire, à la fois éclos et éteint, l'aumône d'un regard de complaisance, jeté à droite ou à gauche, avec un « ah oui » glacial, ce fut tout ce qu'on obtint d'elle, et elle se retrouva à Paris, exactement aussi avancée que si elle n'eût pas mis les pieds hors de chez elle. Pour Bernard, c'était autre chose. Dire que la qualité de la bière hollandaise n'occupait pas une place un peu exagérée dans son enthousiasme bruyant, et que le manque presque absolu de pain dans un pays où les moulins abondent comme les giboulées en mars, n'avait pas plus de raison frapper cette imagination contemplative à sa manière. Il y avait bien un peu de ça. N'importe, il se montrait ravi, comme il se montrait ravi de tout, étant de ceux qui aiment l'existence depuis les pieds jusqu'à la tête, et qu'assure d'une inaltérable sérénité, un de ces bons diables d'égoïsme auxquels on n'a pas le courage d'en vouloir. Drôle de corps et drôle de couple, pensais-je en moi-même tout bas, quand la dernière poignée de main échangée par la glace baissée du fiacre qui les ramenait à leur pénate, je me retrouvais, enfin seul, les pieds sur l'asphalte parisien. Il n'y a rien à dire de lui, qu'il faut admettre tel qu'il est ou ne pas accepter du tout. Quant à elle, si ce n'est pas le vice en personne, c'est l'au-delà de toutes les stupidités. Et ma foi, des mois s'écoulèrent, sans que l'événement vînt me fixer sur l'une ou l'autre de ces deux alternatives. Car nous étions, Bernard et moi, restés excellents camarades. Il était rare qu'une quinzaine se passât sans qu'il me fît l'amitié de monter une heure chez moi, fumer un chapelet de cigarettes, en me contant les nouveautés, et moi-même, par-ci, par-là, j'allais prendre avec lui l'absinthe dans un petit café d'habitué, où je savais le rencontrer de 5 à 7, s'absorbant dans d'interminables parties de manille avec trois aimables nullités de sa connaissance. J'étais tenu ainsi au courant de sa précieuse santé, toujours florissante, et tout à la douce, Dieu merci, ainsi que celle de madame. Seulement, de ce côté, c'était moins brillant. Peu, peu, toujours la même chose, patraque, galette, mal fichue, manque de sang, qu'est-ce que tu veux, tempérament de navet. C'est embêtant, il faut lui faire prendre du fer et de l'huile de foie de morue. Ouais, je sais bien, c'est ce que tout le monde me dit. J'y songerai, il retourne du trèfle. 5 pour nous. Au fond, il n'était pas douteux que la pauvre santé de sa femme lui allât moins profondément au cœur qu'un simple manque d'atout dans le jeu de son partenaire. Un jour, enfin, j'appris que Margot, sur les conseils de plusieurs, se décidait à quitter Paris et à s'aller quelques semaines mettre au vert dans le midi de la France. J'allais à cette occasion lui porter mes souhaits de bon voyage et de prompt rétablissement. Souhaits qu'elle accueillit et dont elle me remercia avec cette indifférence froide et polie qu'elle manifestait pour toute chose. Elle était toujours la même, ni plus maigre, ni plus palote, ayant gardé son charme étrange, inquiétant, sans qu'on sût pourquoi, de femme jolie, avec tout ce qu'il faut pour être laide. Et ma foi, plus je la regardais, Plus je laissais courir sur le mien la dureté de cet œil bleu sans regard, où s'éveillaient sournoisement, par instants, des miroitements aveuglants et inattendus de l'âme d'acier au soleil, moins je me faisais à l'idée que j'avais devant moi une anémique vulgaire. Non, vraiment, non, non, point cela du tout. Vous dire quoi? J'en sais rien, mais plutôt quelque chose comme une plante souffrante, piquée au plus secret d'elle-même, une fleur chétive que mine et dévore sourdement le lent travail d'un mal caché. Elle partit, resta près de 3 mois absente, puis, un beau matin, reparut, transfigurée, fraîche comme une rose, engraissée à ne pas la reconnaître. Bernard Aubry exultait. Le midi, mon cher, le midi, quand je te dis qu'il n'y a que cela. Ce ne fut là, au surplus, qu'une simple apparition, car presque aussitôt, elle se remit en route pour revenir 6 semaines plus tard et repartir encore une fois, l'air de Paris ne lui valant décidément rien, lui nettoyant quelques jours les belles couleurs de santé prises au grand et rude soleil de la province. Et dès lors, ce fut chose convenue. Le ménage de la navette, madame disparaissant de la circulation pendant des 2 et 3 mois d'affilée et se faisant paisiblement des jours, tandis que monsieur usait de la situation pour prolonger jusqu'à complet épuisement les quotidiennes parties de Manille, sans pour cela se buter, en rentrant, à un laconisme glacial, gros de reproches, trouvait devant lui, sur la table, sa soupe refroidie et figée dans l'assiette, son vin versé à l'avance et déjà échauffé dans le verre. Et tout à coup, retour inattendu de madame, ayant tout de suite avec elle, dans une valise à la main, 2 chemises, 4 paires de bas et autant de mouchoirs de poche, l'indispensable, juste ce qu'il faut pour une villégiature de quelques heures. Là-dessus, elle reconnut, bonheur de se revoir, embrassa de part et d'autre. Bonjour, mon chou, tu vas bien? Tu ne t'es pas trop ennuyé? La tante Nathalie t'embrasse et tout le monde te dit bien des choses. Je repars mercredi, tu sais. Lui trouvait cela tout naturel. Ah bon, très bien, quand tu voudras. Il était né pour faire un mari, comme moi pour faire un gendarme. Et pourvu que sa femme, dont la vie de province avait agi en même temps sur l'estomac et sur le caractère, lui fit risette et bon visage durant ses courtes apparitions, il se tenait pour satisfait. Il me disait, à bien compter, je ne dois pas avoir ma femme plus d'une trentaine de jours par an. Mais à chacun sa façon de voir. Moi, j'aime mieux un bon mois qu'une mauvaise année. Qu'en penses-tu? Je pensais que c'était là un raisonnement de cocu, ou d'homme destiné à le devenir, mais comme après tout, je m'en fichais, je me hâtais de conserver pour moi cette appréciation gratuite. Mon imbécile, vers ce temps, eut une inspiration heureuse, celle de m'entraîner avec lui, tenter la fortune à Monte-Carlo. Il prétendait sentir la veine en attraper la migraine. Comme un serin, je me laissais convaincre et nous partîmes en garçon. Le premier jour, bon temps de perdre, nous perdîmes chacun 50 francs. Le deuxième, nous en regagnâmes 75. Malheureusement, le lendemain, nous dansâmes de 200 louis sur la plus belle série à la noire qui se fût vue depuis l'ouverture de la saison. Après quoi, rincés comme des vers à bière, nous dûmes retourner nos poches et faire nos comptes. Il nous restait net 300 francs, juste le prix de nos retours, plus un appoint de quelques sous que Bernard, naturellement, proposa aussitôt de risquer sur un dernier tour de roulette. C'eût été d'autant plus sensé que le gaillard flairait le retour de la chance, sentait la série à la rouge comme s'il l'eût eu sous le nez. Il n'en est pas moins vrai qu'au premier mot de pontage, je sautais sur les fonds communs, me décrétais d'office caissier de l'association, assurer mon compagnon de route de subvenir à ses besoins, repas, coucher, frais de tabac, vermouth et autres, mais lui déclarer que, sorti de là, il ne m'arracherait un sou qu'avec la vie. Il n'insista pas autrement et se borna à demander « Alors quoi, nous n'allons pas rentrer chez nous avec chacun 30 francs en poche? Pourvu que nous ayons gardé à l'arrivée les 3 francs d'une voiture à l'heure, c'est tout ce qu'il faut. » J'offris alors de nous payer à titre fiche consolatrice une promenade de 2 ou 3 jours dans Arles, et cette proposition n'ayant soulevé aucune objection de sa part, nous nous mîmes en route le soir même. Nous arrivâmes à la nuit, vers 11 heures, par une de ces pluies torrentielles qui vident à la fois les rues et les remplissent, une de ces pluies dont la province a le privilège et qui vous inondent jusqu'à l'âme de leur noire et inconsolable tristesse. tout seul, projeté d'un flanc sur l'autre à chaque nouveau chaos du petit omnibus qui nous conduisait à l'hôtel et dans lequel, pressés de nous mettre à l'abri, nous nous étions jetés tête basse, nous traversâmes une bonne partie de la vie sans en soupçonner quoi que ce soit. Une lanterne fixée à l'avant et dont la flamme venait s'écraser en taches d'huile sur les vitres tambourinantes et ruisselantes de la pitoyable guimbarde en illuminait l'intérieur d'un jour louche de chapelle funèbre, dissimulant sa navrante pauvreté, l'usure d'une absurde peau de panthère lentement aplatie et tannée sous le frottement ininterrompu des fonds de culotte, tandis qu'une croupe blanche, au dehors, sautillait en pleine lumière. Pauvres fesses de rosse vieillies, aux poils collés en pinceau, cheminant péniblement entre la double haie de boue élevée de droite et de gauche, en gerbe de feu d'artifice, sous le coup de sabot de la bête. Je me sentais devenir triste, brusquement ramené de 20 ans en arrière, au temps où, pauvre potache, je regagnais le collège, les soirs de rentrée, par des rues, des temps semblables, et il ne fallut rien moins pour me rendre ma bonne humeur que l'aspect toujours réjouissant d'un grand et confortable lit, de ces lits qui poussent au sommeil comme poussent à l'appétit les tables dressées avec art. Je m'y engouffrai précipitamment et, suivant une vieille habitude, confiai une dernière pipe le soin de me préparer à d'agréables songes. Bernard, logé 2 étages plus haut et que le plaisir du voyage éveillait avec des coques, me devait venir de bon matin secoué par les pieds et tiré hors du lit. Or, j'avais dû dormir 2 heures, quand la persistance d'un bruit qui, depuis quelque temps déjà, jouait un rôle confus dans mon rêve, me força à ouvrir les yeux. Je me soulevai sur la paume des mains et l'oreille tendue, j'écoutais. De l'autre côté de la cloison s'élevaient d'étranges petits rires, des rires saccadés, retenus comme craintifs de femmes tout doucement baisées, et qu'anime d'un frisson léger la promenade d'une caresse lente et continue. Cela dura 1 minute environ. Après quoi, un appel sonore des lèvres, un pff goulu et prolongé de baisers tombés en pleine chair, et auquel succéda un silence subit, m'annonça que le rideau venait de choir sur cette rapide et piquante comédie de mœurs. Il n'y avait point d'erreur possible. Je me dis, ils vont bien par là. Et fixé sur ce que je désirais savoir, je retombai dans mon oreiller. Au fond, j'avais mal digéré la perte de mes 2 000 francs. Et tandis que, les paupières closes, je m'efforçais de rattraper mon sommeil, les incidents de la matinée venaient les uns après les autres, se regrouper et danser dans ma tête avec cette vague indécision de figure fantasmagorique, non au point, qui est l'avant-garde du rêve. Je n'avais pas encore, et je m'en rendais compte, entièrement perdu connaissance. Et déjà, cependant, je n'étais plus au lit. J'étais quelque part, je ne sais où, devant une large tache verte, au centre de laquelle tournait éperdument une sorte de chose creuse et ronde que je distinguais sans netteté, en même temps qu'un brouhaha de voix indistinct chantait la messe à mes oreilles. Mais peu à peu, comme transparaît un fond de ciel, à mesure que se dissout et s'évapore la brouillasserie d'une brume de beau temps qui se lève, la vision se précisa, s'immobilisa en lignes nettes et tranchées. La tache verte devant la longue table ovale du salon de jeu de Monte-Carlo, la chose ronde et creuse du milieu, sa roulette, et je compris que le brouhaha de voix montait d'un vaste fourmillement de vêtements noirs et de faces blêmes, étendues dans l'incohérence du rêve, jusqu'en des horizons qui n'en finissaient plus. Et presque aussitôt, une voix s'éleva qui domina toutes les autres. « Faites le jeu, messieurs. Rien ne va plus. 21, rouge, impair et passe. Le rouge a passé 35 fois. Vous gagnez 15 millions, monsieur. Je les laisse. Faites le jeu, messieurs. Rien ne va plus. 14, le rouge, paire et banque. Le rouge a passé 36 fois, monsieur. Vous gagnez 30 millions. Je laisse les 30 millions. Faites le jeu, messieurs. Rien ne va plus. 19, rouge, impair et passe. Le rouge a passé 37 fois. Vous gagnez 60 millions. Je gagnais 60 millions. Je m'écriais, mes 60 millions, qu'on me passe mes 60 millions. et je vis les 60 millions qui venaient à moi, poussés doucement devant le râteau du croupier, au milieu de clameurs immenses, saluant ce sceau sans précédent de la banque de Monte-Carlo. Mais comme j'avançais la main pour me saisir de mon trésor, voici que l'assemblée tout entière, sans que je pusse comprendre pourquoi, éclata d'un rire formidable, aigu comme une plainte de chien dont une charrette a passé sur la patte. Je regardai, et si loin que je distinguasse, je ne vis plus que des bouches allongées jusqu'aux oreilles, des têtes ballottées d'une épaule sur l'autre, dans l'excès d'une hilarité tournée à la convulsion. Tous ces gens se pâmaient, sans force, contorsionnés, maintenant leur ventre de leurs mains, se pleurant les uns sur les autres, des larmes grosses comme des œufs. J'étais stupéfait. Je demandai: qu'est-ce que vous avez à rire comme cela? Mais là-dessus, les éclats redoublèrent, des torses brusquement brisées vinrent se refermer sur des cuisses, comme des lames de ciseaux, et le croupier, agitant l'air de son râteau, cria d'une voix coupée de gloussements suffoqués: est-il bête, mon Dieu? Est-il bête? Je répliquai: c'est vous qui l'êtes. Est-ce qu'on rit à propos de rien? Je sentais la colère me prendre, la volonté de dominer et de faire taire cette crise démente d'hilarité dont le mystère m'exaspérait. J'ouvris la bouche, mais plus rien ne vint. Un mot, une syllabe, quoi que ce fût. C'était la brusque et complète aphonie. Ma langue collée à mes dents. La phrase cramponnée en ma gorge comme une barbe d'épi de seigle. Quelques tentatives que je fisse pour l'en arracher, la vomir, la cracher, lambeau par lambeau. J'étranglais. Mes yeux injectés me sortaient lentement de la tête, et toujours ces rires, ces mêmes rires, surnaturels, extraordinaires, fantastiques, coupés du « Ah mon Dieu! Ah mon Dieu !» des gens qui ne reprennent haleine que pour repartir de plus belle. L'énergie d'un effort suprême amena au bord de mes lèvres « Taisez-vous, je casse tout !» Mais ce fut un souffle d'insecte, à peine sensible pour moi-même. Alors, désespéré, je saisis de mes doigts le rebord de la lourde table et je la secouai frénétiquement de toutes mes forces. « Est-il bête ? » criait le croupier. « Est-il bête ?» On se tordait. Des gens, dont un délire de joie avait rompu bras et jambes, gisaient, tombés au hasard sur des chaises, pareils à des pantins brisés, jetés là après le spectacle. D'autres, comme des ballons gonflés à l'excès, éclataient et volaient en miettes sous la poussée d'un dernier fou rire. Et, à la rage qui m'aveuglait, je sentais se mêler les affres d'une indicible terreur. Mais brusquement, tout s'éteignit. Je me trouvais à quatre pattes, sur mes couvertures rejetées, dépoitraillé, suant à grosses gouttes, l'œil écarquillé dans la nuit. Ah là là, en voilà un sale cauchemar! Pourtant, dans la chambre voisine, l'odieux fou rire continuait. Et à un moment, je demeurai hagard, à me demander si, oui ou non, je dormais encore. Enfin, je compris. La comédie de tout à l'heure était en plusieurs parties, et le rideau tombé sur le prologue s'était, tandis que je dormais, relevé sur le premier acte. Il n'est pas rare qu'un sentiment éprouvé au cours du rêve subsiste un certain temps encore après le réveil. Subitement, tombé dans les vêtements du sursaut, toute ma colère se ralluma. Ah, ça, qu'est-ce qu'il s'imagine, que je m'en vais passer la nuit à les écouter faire l'amour? J'avais sauté hors de mon lit et nu-pied, je traversais la chambre, déterminé à leur aller battre sur le mur un énergique rappel à l'ordre, quand la femme, entre deux hoquets d'épuisement, prononça « Est-il bête, mon Dieu? Est-il bête? Ne me chatouille donc pas comme ça, tu me fais du mal à la fin !» Et je restai cloué au sol, un bras en l'air, dans la certitude où j'étais d'avoir déjà, ou je l'ignorais, entendu quelque part cette voix. Tout s'était tu. Dans le calme profond de la nuit, plus aucun bruit ne m'arrivait. J'enflammai une allumette, désirant me rendre un compte exact de la disposition du lieu, et je vis qu'une haute porte à deux battants, munie de mon côté d'un verrou non tiré, faisait communiquer ma chambre avec celle de mes voisins. Je m'en approchai tout doucement, saisis le bouton de la serrure et collai l'oreille au panneau. La femme, exténuée, soufflait. Un souffle fort, rapide, de cavale qu'on a poussé, et qui parvenait jusqu'à moi en sifflements précipités. Puis une conversation s'engagea à voix basse, conversation dont m'échappaient des termes, bien que j'en perçusse aisément le ton d'amicale querelle. Je murmurai impatienté. Sapristi, parlez donc plus haut, on n'entend rien. Une curiosité irrésistible s'était emparée de mon esprit. Non, vous pensez, la curiosité bête et sale de connaître ce qui se passait et se disait dans cette pièce. Mais enfin, l'agacement inquiet de l'homme que hante une idée fixe, le besoin de placer un nom sur une figure rencontrée, de rattacher à un titre qui ne devient pas l'obsession d'un motif de valse. D'ailleurs, à deux ou trois paroles distinctement articulées, échappées au bredouillement de l'entretien, toute supposition d'équivoque avait achevé de se dissiper. La femme qui venait de les prononcer m'était indubitablement connue et toute la question se limitait au problème. Où, quand, en quelles circonstances? Problème dont j'eusse cher payé la solution. Car vous savez combien ces lacunes de l'esprit grandissent, amplifient, exagèrent l'importance, nulle fois sur 10, du point sur lequel elle porte. Cependant, je devais faire bientôt une découverte considérable. Pressés sans doute d'en venir à leur fin, mes amoureux avaient négligé de s'enfermer, en sorte que le bouton de la serrure ayant joué entre mes doigts, le pêne sauta hors de sa gâche et la porte s'entrebâilla. Oh, à peine! Un rien, une idée, tout juste assez pour qu'un mince fil de lumière tombât du plafond au plancher. C'était peu, mais non point tellement que le démon des tentations malsaines n'y put encore trouver son compte. Tout de suite, le mot me vint aux lèvres. Nom d'un chien, j'ai envie de jeter un coup d'œil. Mes doigts énervés, fouillant l'ombre, rencontrèrent le dossier d'une chaise. Je la soulevai, l'amenai sans bruit entre mes jambes, et m'y laissai tomber à califourchon. Le cœur me battait à grands coups. La crainte que le moindre frôlement, quelque attention que j'y misse, ne vint à trahir ma présence et à me faire pincer sur le fait, m'agiter le pouls d'une grande émotion de gamin qui vole 20 sous à sa mère. Notez que je ne voyais rien. Littéralement écrasé dans l'imperceptible ouverture, mon regard filtrait à peine, distingué, agrandi et trouble, la pomme sculptée d'une tête de lit, la tache écarlate d'une culotte d'officier jetée en travers d'un fauteuil, et le cadre doré d'une glace. Je pensais, une glace, si je pouvais arriver jusque-là. Mais les déplorables conditions dans lesquelles je me trouvais hérissaient de difficultés la réalisation de ce plan ingénieux. Ma chaise, placée beaucoup trop loin et que je n'osais rapprocher, dans un légitime surcroît de précaution, se balançait sur deux pieds sous mes cuisses, cependant que moi-même, roidissant les orteils, je m'efforçais de protéger son équilibre. En même temps, cramponné des doigts aux moulures en saillie de la porte, je devais déployer des prodiges d'adresse pour arriver à la maintenir dans cette situation spéciale et inconnue de faiseur de proverbes où une porte n'est plus ni ouverte ni fermée. Vous voyez comme c'était facile. Il y avait au bout de tout cela une catastrophe inévitable, et en effet elle arriva. La femme qui depuis un instant se taisait sortit brusquement de son silence. D'une voix claire, elle lança cette exclamation. « Biste à Margot, mon chéri !» Et ce mot, qui m'ouvrait tout à coup les horizons les plus inattendus, me coupa l'équilibre comme avec un sabre. Mon pied glissa, la chaise privée de son point d'appui bascula, s'abattit lourdement sur la porte, dont les deux battants s'écartèrent, et, la tête la première, les mains étendues, je fis une entrée triomphale sur le ventre dans ce sanctuaire de l'adultère. Ce qui put se passer ensuite, je n'en sais rien. J'ai souvenir, en tout et pour tout, qu'une clarté subite m'aveugla, et qu'à travers cette clarté, dans le temps qu'il faut à un homme pour parcourir en toute vitesse un angle de 45 degrés, je distinguais deux torses nus gesticulant parmi le désordre d'un lit, littéralement mis au pillage. Puis je crois que je nous relevais tous deux, moi et ma chaise, et que je me retirais précipitamment en balbutiant de vagues et grotesques excuses, mais je n'en suis pas autrement sûr, et je me retrouvais dans ma chambre sans beaucoup plus savoir comment j'y étais rentré que comment j'en étais sorti. Toutefois, avec une présence d'esprit que je constate sans me l'expliquer, j'avais pensé à tirer mon verrou, et bien devait m'en prendre d'ailleurs, car presque immédiatement, une grêle de coups de poing se vint abattre sur la porte. Une voix d'homme cette fois, il n'y avait pas à s'y méprendre, fichtre non, cria Qu'êtes-vous? Qui êtes-vous? Je me suis pris d'un tel besoin de me faire tout petit que je n'en remuais plus une phalange. L'homme reprit. Je vous demande qui vous êtes et ce que vous faisiez derrière cette porte. Voulez-vous répondre, oui ou non? Entendez-vous ce que je vous dis? Et comme je continuais de me taire, naturellement, que diable sais-je pu lui dire, je vous le demande? Ah, vous faites le sourd à présent. Vous n'avez plus l'oreille aussi fine, il paraît. Eh bien, moi, je vais vous le dire qui vous êtes. Vous êtes un polisson et un saligaud. Un saligon, vous entendez? Un saligaud, vous entendez? Et je vais vous flanquer une leçon de discrétion dont vous garderez la mémoire. Ah, nom de Dieu! Margot avait éclaté en sanglots. Il lui cria: Ne pleure pas, mon petit lapin. Je m'en vais lui secouer les puces à ce drôle-là. Laisse-moi faire. Je pensais, ça, nous n'y sommes pas. N'ayant donné qu'un seul coup de poing à ma vie, mais en ayant net tué un homme, étant bien déterminé à repousser toute invasion sur mes domaines. Ce n'eût été là, à vrai dire, qu'un rendu pour un prêté. Mais s'il fallait permettre aux autres tout ce que l'on se permet à soi-même, l'existence serait plus tenable. Je ne vous cacherai pas d'ailleurs que je me trouvais dans un état assez voisin de l'abrutissement. La soudaineté de ma culbute, l'idée d'un pugilat en chemise avec un inconnu rageur dont je n'avais pas pu distinguer le visage qu'il n'avait eu le temps de distinguer le mien, la perspective d'un scandale nocturne, révolutionnant toute une maisonnée et allant arracher inévitablement à son bienheureux sommeil de Sganarelle, ce mari que je savais ronfler en toute paix sur la tête même des coupables. Tout cela se battait confusément dans mon cerveau congestionné, me télécourbait sous l'injure avec une soumission stupide de chat pris en faute et qu'on fouette. Un moment, la pensée me traversa l'esprit de tirer brusquement le verrou, de me précipiter sur mon homme avant qu'il eût prévu l'attaque et de lui lâcher en pleine figure. Et taisez-vous donc, imbécile, vous allez réveiller le mari. Mais ce braillard achevait de m'ahurir. Il avait de son côté empoigné le bouton de la serrure et il ébranlait à deux mains, le repoussant, puis violemment le ramenant à lui une secousse. La porte battait, mais tenait bon. Et cette résistance imprévue le jetait dans un paroxysme de rage impuissante et stérile, qui exaspérait de plus en plus mon mutisme systématique. Il s'exténuait, soufflait comme un véritable phoque. Je le crèverai, nom de Dieu, je la crèverai! Mais nous n'étions disposés, il faut croire, à ne nous laisser crever ni les uns ni les autres. Et successivement, une demi-douzaine de coups de pied étant venus frapper sans effet le point de jonction des deux battants. Mais vous trouverez donc, hurla-t-il. Vous êtes donc le dernier des couards, comme vous êtes le dernier des mufles, le dernier des salopios et la dernière des canailles. Ce que j'avais redouté arrivait. Toute la maison s'éveillait. Sur le carré, des portes s'ouvraient une à une. Les gens s'interrogeaient entre eux, tandis que, des hauteurs sonores de l'escalier, une voix lançait par-dessus la rampe. Est-ce que ça va pas finir, cette vie-là? On ne peut plus dormir ici. Alors Margot, toujours sanglotante, gémit. Je t'en supplie, Frédéric, je t'en supplie. Oh mon Dieu, quel scandale! Non, Frédéric, laisse-le. C'est assez, je ne veux plus. Mais comme de juste, ce fut contre elle qu'il se retourna. Il l'envoya coucher dans les grandes largeurs. Tu m'embêtes, toi! Fous-moi la paix! Et puis d'abord quoi? Qu'est-ce que c'est? Il y a des messieurs qui ne sont pas contents? Ils n'ont qu'à venir me le dire, d'ailleurs, c'est bien simple. Tu vas voir. Il en était venu à ce point de la rage où l'exutoire est obligé, être ou chose, quel soit-il. Frédéric, supplia Margot. Frédéric! Frédéric n'écoutait plus, se refusait à rien savoir. Je l'entendis sortir sur son seuil, puis demander: Eh bien, quoi, est-ce que ça vous regarde? Qu'est-ce que vous fichez là, tas de gourdes? Allez donc vous recoucher, et plus vite que ça. Je me demande un peu de quoi ils se mêlent, ces dames-là. Ainsi prise par le sentiment, il me parut que les gourdes susdites n'insistaient pas plus que de raison. De même qu'elles s'étaient ouvertes, toutes les portes, l'une après l'autre, se refermèrent. Et Frédéric rentra, un peu calmé, ayant rejeté le trop-plein de sa bile. Il me cria: Quant à vous, espèce de goujat imbécile, vous avez beau faire le mort, vous n'y couperez pas demain matin. Nous réglerons ce compte-là, soyez tranquille. Et sur ce mot, l'incident fut clôturé. Pendant un bon quart d'heure encore, la conversation continua de l'autre côté de la cloison, des phrases qui ne m'arrivaient qu'à demi, déchiquetées, amputées de leur queue ou de leur tête. Tu veux? Pièce, salaud-là! Grade de mufle, sale cochon, flanquerait mon pied au derrière demain, Une belle affaire. T'es un peu raide, ça, par exemple. Enfin, la ligne de lumière que je voyais filtrer sous la porte s'éteignit et tout retomba dans le silence. Sur quoi, m'étant vêtu sans bruit, je pris mes bottes par les tirants et montai réveillé au bris qui va m'ouvrir en bannière. Je lui dis, nous fichons le camp, habille-toi. Il n'était pas du tout brutalement arraché au plus fort de son somme. Il demeura un instant sans parler, puis il demanda, c'est toi, Georges? Mais oui, dis-je, tu le vois bien. Allons, mon vieux, ouste, lève-toi. Il faut que nous soyons dehors dans 10 minutes. J'avais allumé une bougie. Je ramassai, lui tendis ses chaussettes, qu'il prit sans paraître comprendre ce qu'il faisait, puis je lui avançai une chaise. Il s'y assit et machinalement se mit à se frotter le genou, regardant le mur devant lui d'un œil gonflé, stupide, qui ne voyait rien. Eh bien, voyons, tu ne m'entends pas? Dépêche-toi! Il se décida, passa lentement ses chaussettes et étendit le bras sans rien dire. Qu'est-ce que tu veux? Mon machin. Quel machin? Mon chausse, tu sais bien, je dors, nom de Dieu, mon pantalon! Une fois culotté, il se leva, vint à sa cuvette qu'il remplit, se débarbouilla en silence. J'attendais assis sur le lit, feuilletant un indicateur de chemin de fer. Je murmurai, bon, ça va bien, il y a un train à 3h07. Il se retourna, tu dis? Je dis que nous avons un train dans 3 quarts d'heure. Il répéta, dans 3 quarts d'heure. Ajouta même, tant mieux, sans savoir pourquoi. Et seulement alors, brusquement, songea à me demander ce qui se passait. Oh, répondis-je, je te conterai cela dans le train. J'ai eu avec un voisin de chambre une affaire bête comme une oie et qu'il serait trop long de t'expliquer. Voilà tout. Ah, fit-il, très indifférent. Le pauvre diable dormait, debout, tenait à peine sur ses jambes. L'œil en dedans, battant des paupières devant la flamme de la bougie, et il cherchait d'une main incertaine son faux col qu'il avait sous le nez. D'une voix empâtée de sommeil, il proposa cependant, si c'est un type qui t'embête, on pourrait lui casser la gueule. Eh, m'écriai-je, ne t'occupe donc pas de cela. S'il m'est plus de casser la figure, ce monsieur, je la lui eusse cassée sans toi, et il y a beau temps que ce serait fait. Achève de t'habiller et viens, c'est tout ce que je te demande. Je dus lui nouer sa cravate et lui tendre les manches de son par-dessus. De même, sa toilette achevée, je me chargeai de sa valise, et ainsi flanqué de deux sacs, comme un simple âne de moulin. Nous y sommes. Eh bien, en route. J'ouvris la marche. Bernard, son bougeoir à la main, descendait sur mes talons. Je lui soufflai. Surtout, tiens-toi bien à la rampe. J'avais un trac de tous les diables que le pied venant à lui manquer, il ne s'écroula bruyamment et ne jeta pour la seconde fois de la nuit le bouleversement dans l'hôtel. Mais grâce à Dieu, il n'en fut rien et la descente s'accomplit sans accroc. Ensuite, ce fut le tour du garçon avec lequel je dus presque me battre pour arriver à me faire comprendre, donner mon compte, tirer le cordon et indiquer le chemin de la gare que nous atteignîmes enfin après 25 minutes de marche sous la pluie, juste à temps pour sauter dans le train au passage. Le moment d'exécution était venu. L'époux de Margot, que la course et la douche avaient tout de même réveillé, se cala les mains sur les cuisses et demanda. Avec tout ça, j'en suis toujours au même point, moi. C'est insensé, une histoire pareille. Tu t'es disputé, battu, quoi. Je songeais d'abord à lui lâcher aux jambes le premier compte à dormir debout, qui me fut passé par la cervelle, mais les multiples émotions de cette nuit accidentée, ayant pas mal rogné les ailes à ma faculté d'improvisation, j'empoignai tout bêtement le taureau par les cornes et narrai l'aventure telle qu'elle s'était passée, au nom près naturellement. Bernard, non moins naturellement, trouva l'histoire excellente et s'en égaya très fort à mes dépens, fâché seulement de n'en point connaître l'héroïne, dont il me soupçonnait sourdement, disait-il, de vouloir lui taire le nom pour faire de la cachotterie. Je lui dis, je dus lui jurer sur l'honneur qu'elle n'était pas la femme d'un camarade commun, et même me ficher en colère pour parvenir à l'en convaincre. 3 ou 4 mois de là, sa femme se trouvant de passage à Paris, Bernard Aubry me prit à dîner. Je me rendis à l'invitation, et je trouvai déjà installé au salon, et se levant à mon entrée, un capitaine de hussards en tenue, qui me fut présenté sous le nom de Monsieur Robert de Villaine. Il me tendit immédiatement la main avec une aisance gracieuse, sentant du mieux l'homme aimable et le gentilhomme accompli. La tête et les manières me revenaient assez, mais cette diable de culotte rouge en éveilla dans mon esprit je ne sais quel lointain souvenir, de pantalons également rouges, entrevus sur un bras de fauteuil, par un entrebâillement de porte, me taquinait in petto. Je saisis donc à la volée une occasion qui se présenta d'emmener Bernard dans un coin et de lui demander à vive voix: Qui est ce monsieur? Et depuis quand le connais-tu? D'aujourd'hui même, dit-il. C'est un officier que ma femme voit quelquefois en province, chez sa tante. Venu en permission de 8 jours à Paris, il a été assez aimable pour venir saluer Margot. Je n'ai cru pouvoir mieux faire que de le garder à dîner. Et charmant ce garçon-là, n'est-ce pas? Tout à fait charmant, répondis-je. J'étais fixé, ou à peu près. Le dîner fut cordial et gai. Monsieur de Villaine s'y montra à la fois homme du monde et homme d'esprit. Excellent dans l'art difficile de tenir le grachoir tout ensemble avec brio et discrétion. Il fit des mots, conta de plaisantes anecdotes, parut se divertir vivement aux facéties toujours lourdes et souvent salées de notre hôte, tout en évitant cependant d'y riposter sur le même ton, ce dont je lui suis le meilleur gré, et concluait tout à l'honneur de son esprit ainsi que de son savoir-vivre. En sa qualité d'invité, il faisait à Margot une cour délicate, correcte, de bonne compagnie, mêlée de cette pointe d'imperceptible impertinence qu'apportent toujours en ces sortes de choses les hommes dits à bonne fortune. Même à un brusque et silencieux mouvement que je vis s'opérer sous la table, en me penchant pour ramasser ma serviette, je compris qu'il avait poussé la galanterie jusqu'à lui saisir une jambe entre ses genoux. Mais ce n'était là qu'un détail. Au résumé, un vrai charmeur, exquis en son rôle de coq, dont on ne trouble pas les expansions intimes par de brutales et ridicules irruptions, et que j'eusse ma foi jugé irréprochable, sans ce besoin d'apporter son linge sale pour le laver tranquillement sous le toit hospitalier du mari. Et à propos, mon capitaine, demanda brusquement celui-ci, où êtes-vous en garnison? À Arles, dit Monsieur de Villaine. Je pensais en moi-même, ça y est. Mais Bernard lui poussait une exclamation. Vous connaissez? Fit l'officier surpris. Mon Dieu, répondit l'homme, je connais sans connaître. Et riant bêtement, il faut vous dire que je traversais cette ville dans de si étranges circonstances. Bah, s'écria Monsieur de Villaine, lequel flairait une histoire et ébauchait déjà son sourire d'homme systématiquement aimable. Au mot d'étranges circonstances, le sang ne m'avait fait qu'un tour. Un plat d'épinards au jus occupait le centre de la table. J'eus la vision d'un pied énorme s'y abattant jusqu'aux chevilles et y pataugeant à plaisir. Je frappai d'un léger coup de botte le mollet de Bernard Aubry, qui se borna à retirer sa jambe et tranquillement continua. Ce brave larrier me fait des signes désespérés pour me décider à me taire. Et en somme, je comprends cela, l'histoire n'étant pas des plus fâcheuses pour lui. Mais vraiment, elle vaut la peine d'être contée, et ce serait dommage de la perdre. D'autant plus, ajouta gracieusement l'officier, qu'il s'agit de choses d'amour. Monsieur y met de la fausse honte. Quel est l'homme auquel, en sa vie, les femmes n'ont pas fait jouer une fois un rôle plus ou moins absurde? C'est évident, fit Bernard. Le capitaine a raison. Allons, mon vieux Georges, sans rancune. Nous sommes entre nous, sacristie. Et là-dessus, sans même attendre un mot de réponse, figurez-vous, continua-t-il, qu'au mois de septembre et d'octobre, quand était-ce au juste l'arrière, bon, d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, figurez-vous, je n'entendais plus rien, littéralement abêti, roulant mes pupilles dilatées, de Margot à Monsieur de Villaine et de Monsieur de Villaine à Margot. Celle-ci était devenue toute blanche, suivait chaque geste du conteur avec une fixité hagarde, terriblement inquiète, au fond, pas très sûre qu'elle n'était pas dupe d'une effroyable mystification, et quelque grave dénouement ne couronnerait pas tout à l'heure cette grotesque turlupinade. L'amant, lui, pleinement édifié sur l'épaisse stupidité du personnage, ne bronchait pas. Payé d'un toupet infernal, saluait même au passage, d'un léger hochement de tête ou d'un ricanement approbatif, les détails saillants du récit. Cependant que Bernard Aubry, dans le ravissement de son âme, allait comme un cheval échappé, faisait le fin et le spirituel, relevait le piquant des faits de délicates et agréables broderies, s'étendait sur les points scabreux, que c'en était un vrai plaisir. L'histoire n'obtint qu'un demi-succès, mais jeta un froid non douteux. Elle est bonne, dit le capitaine, par pur acquis de politesse. Aubry, légèrement étonné, ayant compté sur plus d'effets, insista. N'est-ce pas? Elle est bonne. puis se tournant vers sa femme. Qu'est-ce que tu en dis, Margot? Je dis, fit sèchement Margot, que je ne trouve l'histoire ni drôle ni convenable. Lui, stupéfait, l'a regardé. Mais brusquement, sacré nom de Dieu, hurla-t-il, qu'est-ce que tu viens nous chanter là? Pas convenable, pas convenable. On n'a pas idée de ça, ma parole d'honneur. Elle a l'air raide, par exemple. Monsieur de Villene, souriant, lui toucha le poignet et il eut un chut, chut de conciliation. Et non, mon cher, vous ne savez pas, continua Aubry furieux. Toujours la même histoire, parbleu. L'éternel esprit de contradiction. Le besoin de m'embêter quand même. Crénom de Dieu, j'en ai assez. Je finirai par foutre le camp. Il abattait d'énormes coups de poing sur la table, pris d'une colère bleue d'homme vexé qui ne supporte pas le poids de sa veste. Et il en eut pour 10 minutes, déclarant que son intérieur était devenu impossible, accusant la province de lui avoir changé sa femme, d'en avoir fait une prude, une bigote et une oie, et s'en prenant à tout le monde, à la tante Nathalie, aux jésuites. Est-ce que je sais? À la fin, cependant, il se calma un peu, et Margot, ayant fait apporter le dessert, on changea de conversation. Vers minuit, nous prîmes congé, M. de Villene et moi, et côte à côte, dans la rue, nous fîmes quelques pas sans rien dire. Mais comme nous avions atteint l'angle du boulevard et de la rue Lafitte, et que je me disposais à lui souhaiter le bonsoir, il prononça, brûle-pourpoint. C'est égal, l'histoire est cocasse tout de même. Je fis l'ingénieux. Quelle histoire? Eh, la vôtre, mon cher monsieur. Vous savez bien ce que je veux dire. Et très nettement. Alors, fit-il, dites la vérité. Vous l'avez reconnue, cette dame? Ma foi, dit, je n'en sais rien. C'est là une question que vraisemblablement nous ne nous sommes jamais posée, elle ni moi. Pourquoi nous serions-nous reconnus? Nous y avons si peu d'intérêt l'un et l'autre. Il réfléchit. C'est vrai, dit-il. De quel côté allez-vous? À Montmartre. À moi, à Montrouge. En ce cas, au plaisir de vous revoir. Monsieur, le plaisir sera pour moi. Enchanté d'avoir fait votre connaissance. Il tira à U, moi à Tia, et nous rentrâmes chacun chez nous.